a 6 ans ne peut remonter plus loin dans ses souvenirs. Le temps est passé, mais on sait qu'à l'époque déjà elle disait: laisse-moi tes jolis dessins regarder en vain. Plus tard, quand il eut 18 ans, bien frappé, qu'elle le supplia jusqu'à l'en prier, le pauvre ne daigna un instant lui montrer une seule de ses toiles, un chef-d'œuvre bien caché, malin. C'est de l'amour en barquette, un baiser hypocrite, poignée de main, sourire passé. Personne ne comprendra le trac jamais qu'il avait devant un public confirmé souverain. D'une simple esquisse, il aurait su se vanter à d'autres Pékin. Les avis sont partagés. Si le fait est ma foi, rien n'a transpiré. En tout cas, elle ne fut jamais mise au parfum. Et c'était la plus jolie, vu qu'elle lui avait donné la vie. À croire qu'on peut vivre d'espoir, mais décevoir, c'est... su la fin de l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un homme a vu un vieux peintre pleurer en vain.